avec toi dans un motel. Prends ma main. On est déjà le matin. Par la fenêtre, on voit l'autoroute et puis le ciel. La pluie tombe tranquillement sur l'asphalte noir du stationnement. On est déjà le matin, me semble qu'on vient d'arriver. T'as le même prénom que ma mère, ça fait drôle d'y penser. Tes cheveux sentent comme l'été. Dans tes yeux, je vois toute la terre. J'oublie ma job, j'oublie mes frères. J'entends des petits oiseaux dans un motel de l'île Perrot. Dans un motel de l'île Perrot. Prends le téléphone, on va se faire venir un déjeuner si tu veux. On peut rester couché. Dans un coin de la chambre, une TV en couleur, c'est de valeur. J'ai pas le goût. À regarder, moi qui rêvais d'essayer ça. On est déjà le matin, me semble qu'on vient d'arriver. T'as le même prénom que ma mère, ça fait drôle d'y penser. Tes cheveux sentent comme l'été. Dans tes yeux, je vois toute la terre. J'oublie ma job, j'oublie mes frères. J'entends des petits oiseaux dans un motel de l'île Perrot. Dans un motel de l'île Perrot.